cher. Voyez-vous, je vous écris, c'est devenu trop dur pour moi. Même si hier, je l'ai pas dit, j'ai peur de mon être trop étroit. Oui, sans vous, je ne sais pas, mais que pourrais-je devenir? Il est vrai que vous pouvez être là, ou celle-ci, ou dans un autre empire. Mais vous soyez rousse ou blonde, si pour autant que vous soyez belle, j'aurai mon âme à donner si profonde, et ma tendresse qui ruisselle. Prêtez-moi votre souffrante main, que je me force à vous plaire. Donnez-moi vos petits chagrins, qu'ils disparaissent enfin en enfer. Rose, aidez-moi, je veux mourir quand on y arrivera. Rose, mais aidez-moi, je crains qu'on n'ait pas d'autre choix. Rose, aidez-moi, je veux mourir quand on y arrivera. Rose, mais aidez-moi, je crains qu'on n'ait pas d'autre choix. Ma douce, ma bien-aimée, que nous ont-ils prévu sur ce ruisseau délabré? J'entends comme une bienvenue, mais c'est ce tourbillon qui me tue. Il chantonne seul et toujours triste. Que faut-il pour qu'il s'arrête ce têtu, si ce n'est que votre parfum seul existe? Croyez-moi, vous aussi je crois, si nous nous trouverons jamais, il viendra de par votre grand froid, il commencera l'hymne de l'imparfait. Mais je souffrirai plus intensément que vous soyez vous aussi piégé. Votre beauté dans ce châtiment, ce serait ma folie en destinée. Rose, aidez-moi, je veux mourir quand on y arrivera. Rose, aidez-moi, je crains qu'on n'ait pas d'autre choix. Rose, aidez-moi, je veux mourir quand on y arrivera. Rose, aidez-moi, je crains qu'on n'ait pas d'autre choix. Voilà, que ma bouche vous appelle, sans mon message se terminer. Ce n'est pas que j'interpelle, mais que je préfère vous aimer, ne pas trop m'envoler, juste croire que vous existez, ou que vous...